بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الدرس الثالث والستين. 63 درس. Et dernier درس dans ce livre qui touche, dans ce chapitre qui touche à la foi au destin. قال في السؤال حفظه الله تعالى 88 300. 388e question. كم أنواع التقادير؟ Maintenant, cette façon de prédestiner les choses, combien a-t-elle de formes, de catégories? At-taqadir. La prédestination, combien de formes a-t-elle? Il a dit, il y en a quatre. Et dans le ders de 200 questions et réponses sur la Aqida, on les a cités également. Et là, c'est des choses qui se répètent. Qala awalan taqdir azali. La prédestination, le toujours. De toute chose sur toujours, sur toute l'existence. Comme le khalq as-samawati wal-ard bi 50 alf sana. Et celle qui a lieu 50 000 ans avant que Allah n'ait créé les cieux et la terre, comme il a dit à la plume, d'écrire toute chose. D'accord ? Ce hadith-là, on l'a cité dans un verset précédent. Qu'il a dit à la plume, Allah Azza wa Jalla dit à la plume, d'écrire toute chose qui aura lieu jusqu'au jour de la résurrection. Donc toute chose a déjà été écrite à l'avance. Après, le deuxième forme de prédestination, Taqdir Umari, ou Umri, celui qui est basé sur un temps de vie. Et c'est celui qui a eu lieu lorsque Allah Azza wa Jalla a pris son engagement envers le fils de Adam avant qu'il ne l'ait créé, et également celui qui a lieu lorsque l'homme est créé dans le ventre de sa mère. Wa dalil qawlu ta'ala. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Lorsque Allah Azza wa Jalla, lorsque ton Seigneur a pris des fils d'Adam un engagement en les sortant du dos de leur père, en leur faisant témoigner, ne suis-je pas votre Seigneur, ils dirent, si nous témoignons, que vous ne dites pas le jour de la résurrection, que nous étions certes inattentifs à cela. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla, avant même que nous soyons créés, l'argument nous a déjà été donné, qu'il est notre Seigneur. Soit Al-A'raf, verset 182. Donc là, une prédestination a déjà été faite. Et l'autre, c'est le hadith d'Ibn Mas'ud, lorsqu'il dit, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك علاقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك. Que l'un d'entre vous est formé dans le ventre de sa mère durant 40 jours. Ensuite, il est mis comme étant une adhérence pendant 40 jours. Ensuite, il devient un bout de chair durant 40 jours. قال ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. Après, on lui envoie l'ange qui lui insuffle le souffle de vie, c'est-à-dire l'âme. Et cet ange lui ordonne d'écrire quatre choses. بكتب رزقه وأجله وعمله وشكل أو سعيد. Donc cet ange-là écrit de ce fœtus déjà sa subsistance, son temps de vie, ses œuvres, et est-ce qu'il sera parmi les bienheureux ou parmi les damnés, c'est-à-dire les gens de l'enfer ou les gens du paradis. Donc tout cela est écrit à quel moment également? Au moment où l'homme écrit dans le ventre de sa mère. Donc là, c'est l'une des formes également du taqdir al-umri, qui est lié au temps de vie. Troisième forme de prédestination, at-taqdir al-hawli, celui qui est annuel, basé sur une année. Et celui-là a lieu fi layat al-qadr, la nuit du destin. والدليل قوله تعالى إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. Qu'il a dit, nous l'avons fait descendre en une nuit mubaraka إن كنا منذرين, nous étions sortes avertisseurs, c'est-à-dire le Coran a été descendu en cette nuit-là. Et dedans, nous avons clarifié toutes choses. Plutôt, nous avons Yufraqukul Amrin Hakim, c'est-à-dire que tout décret sage y a été établi dans ce livre. Surat al-Dukhan, la fumée, verset 4 à 3, ou 3 à 4. Fumaqala, Rabir, 4e, Al-Taqdir, Al-Yomi. La prédestination qui elle est quotidienne, de chaque jour. Que il est interrogé par ce qui est dans les cieux et dans la terre, et chaque jour, d'accord, et chaque jour, il est dans une nouvelle situation, dans le fait qu'il décrit, il décrète ce qui va se produire. Chaque jour, il décrète ce qui va se produire. Donc, on a une prédestination qui est depuis toujours, azali. On a celle qui est Omali, qui est liée au temps de vie. On a celle qui est Haouli, qui est annuelle, et celle qui est Yomi, qui est quotidienne. Et ça, ce sont les choses dans lesquelles il ne faut pas trop rentrer dans les détails. D'accord ? Il faut y croire, s'y soumettre. Quant au comment, on ne demande pas le comment. Et encore moins le pourquoi. Comme encore l'Ata'ala, la yusallu al mayafalu wa hum yusallun. Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, mais eux seront interrogés. Et les ulama, ils ont bien dit que toutes les communautés se sont égarées, et parmi nous, les gens de l'islam, appelés l'islam s'égare, du fait qu'ils fouillent dans les causes, comme on dirait, ils fouillent, ils cherchent dans les causes des actes d'Allah Azzawajal. Cela ne leur revient pas. Allah Azzawajal nous a demandé de méditer sur sa création, pas de méditer sur son décret à lui, ce qu'il a décidé. Cela nous dépasse. Et celui qui rentre là-dedans, il va se perdre. Sans aucun doute, il va se perdre. Des gens n'arrivent pas à comprendre des décisions prises par des gouverneurs. Des fils n'arrivent pas à comprendre des décisions prises par leur père, par leur grand-père, des gens plus âgés qu'eux qui ont une certaine connaissance. Là, on parle de créatures. Alors qu'en est-il de gérer l'univers entier ? Sur toute chose, que ce soit d'un atome jusqu'à un astre. Tout cela a été géré avec perfection. Cela nous est-il possible de pouvoir comprendre ? On ne peut pas comprendre. Mais on y croit. On y croit et cela nous suffit. Alhamdulillah. ثم قال في السؤال التاسع وثمانين بعد ثلاثمية 389 question ما هي الأربع الكلمات التي يكتبها الملك للجنين في بطن أمه. Donc il dit quelles sont les quatre choses que l'ange écrit dans le ventre, à propos du fœtus, dans le ventre de sa mère. Et nous l'avons lu là précédemment, il lui écrit sa subsistance, c'est-à-dire que personne ne mourra avant d'avoir pris tout ce qui lui a été prédestiné comme bien, subsistance. Donc de là également, celui qui croit au destin à ce genre de choses, en réalité, si sa foi elle est forte, cela l'empêche de tomber dans les désobéissances qui l'amènent, par exemple, à voler, qui l'amènent à faire du mal pour obtenir de l'argent, obtenir des biens. Car cela lui était déjà prédestiné. Donc il a juste fait des causes halal, et le reste va lui venir. Il ne quittera pas ce monde sans avoir pris la dernière bouchée qui lui était prescrite. Donc cette foi au destin amène à te rassurer et à te confirmer dans ta foi et à perdurer dessus. Deuxième chose, ton temps de vie. Donc également, quand on sait cela, on n'a pas peur de la mort. L'homme, il devient plus courageux. Même si la mort, elle est devant lui, on ne dit pas qu'il se suicide ou qu'il provoque cela, mais il dit, il fait ce qu'il a à faire. S'il doit le faire, qu'il n'ait pas peur de la mort pour cela. Il dit, ma mort, elle a écrit de toute façon, que je fasse cette chose-là ou que je ne la fasse pas, je mourrai à tel endroit, à telle heure, à tel moment, si Allah l'a décrété. Également, ses œuvres sont déjà écrites. Et par la suite, est-ce qu'il est un homme du paradis ou un homme de l'enfer ? Et comme nous, on ne sait pas de quel côté nous sommes, et nous souhaitons être parmi les gens du paradis, alors à nous de d'œuvrer parmi les gens du paradis, ne pas se dire, parce que je suis parmi les gens du feu, donc ça ne sert à rien que j'agisse. Tu ne sais pas où est-ce que tu es. Et comme encore le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, i'malu fakulun sayyassalu lima khuliqa la. Œuvrer et chacun sera facilité pour ce pourquoi il a été créé. Donc toi, tu sais cela. Tu te dis avoir la foi et croire, agis dans le bien. Et ta destination finale, Allah la connaît, et toi fais en sorte qu'elle soit le paradis. Car le libre arbitre, tu le possèdes. Allah l'a mis en toi. Thumma qala, akhir su'al, tis'in ba thalathmiya, 390e question. Iza ja al maut, hal mumkin an yataqaddam aw yata'akhkhar? Si jamais la mort vient, est-il possible qu'elle soit avancée ou qu'elle soit retardée? Quand ton heure elle vient, on dit, là, cela n'est pas possible. Cela revient à ce qu'on a dit précédemment, qu'elle était déjà écrite, prédestinée. Elle viendra quand elle viendra. Et tu ne pourras ni la reculer, et tu ne peux ni la faire avancer. Si jamais tu meurs à un moment, c'est que c'était écrit, tu vas mourir à ce moment-là. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Et que chaque communauté aura son terme, son délai prescrit. et que lorsque leur délai leur vient, ils ne peuvent ni le retarder d'une heure ni l'avancer. Al-A'raf, verset 34. Non, pas la dire qu'on a dit, mais ça c'était de Dendes qui est touché au livre, au chapitre de la foi au destin également. Nous avons fini par cela, alhamdoulilah, le livre du Tawhid et de la Aqidah, pour entrer par la suite dans Kitab al-Sira, qui touche à l'histoire et à la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah.